Allô ? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, j'ai vu votre numéro sur Internet. Ça dépend. Bah les ovnis. Ah ok, d'accord, impeccable, mais ça a bien passé. Alors oui, donc ben nous on est une association, donc on fait tout dépend sur quelle annonce est-ce que vous l'avez vu, je veux dire. C'est un ami qui m'a donné ça parce que je crois en avoir vu un il y a quelques jours. Et pour rien vous cacher, c'est un peu difficile d'en parler parce que les gens forcément vous croient pas. Ils vous prennent pour un gros joubar. J'ai essayé. Et j'en ai parlé. Savoir si vous étiez sérieux parce que je veux pas en parler à n'importe qui non plus, c'est pour ça. Ma foi, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous, je pense qu'on est sérieux. Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des trucs classiques, hein. On fait des enquêtes sur le terrain, on interroge les gens, on fait ça sur. On remplit une petite fiche, le cas échéant, quoi. Et alors, vous en êtes où ? Confirmez-moi, parce que depuis quelques jours, j'ai des doutes. Savoir si c'est mes yeux qu'on vu. Ou... Vous en avez vu ? Est-ce que vous avez des témoignages ? Il y a plein de témoignages. Nous, on a un témoin sérieux tous les 15 jours, à peu près, quoi. Ah, ça me rassure. Un témoin sérieux tous les 15 jours. Mais après, ça va plus loin. Même nous, on arrive à voir des trucs. Je veux dire que les gens nous appellent, il se passe là, tel truc à tel endroit tous les jours. C'est vrai ? De temps en temps. Nous, on arrive à voir des choses aussi. Ouais. Incroyable. Et ça ressemble à quoi, alors, vous, ce que vous voyez ? On arrive à voir des ovnis, on arrive à voir des gens aussi. Oh là là, ça me rassure. Ah oui, non, ça c'est plus... Bon, les gens, c'est rare. Moi, j'ai vu trois formes humaines en 8 ans, peut-être, à peu près. Mais ça arrive, hein, je veux dire. Parce que nous, la façon dont on fonctionne, on y court après, vous voyez. On court après le phénomène. On finit forcément par tomber sur quelque chose, quoi. Ouais, bien sûr. Et ils vous ont parlé, vous ont... En général, vous savez, je pense pas que ce soit des gens qui utilisent la parole. Hein. Ils n'utilisent pas le langage visuel de chez nous, ils l'utilisent pas. Hein. Moi, j'ai jamais vu. Télépathie, non, vous savez pas, c'est... Je crois que c'est plutôt à ce niveau-là que ça se passe. Ouais. Vous avez des impressions, vous envoyez des impressions, vous captez des impressions. Ouais, télépathe, oui, mais... Du style, n'ayez pas peur, en fait, des trucs comme ça, oui. Ils vous disent, n'ayez pas peur. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Écoutez, je vais prendre votre adresse. Moi, je vous explique quand même ce que j'ai vu, parce que c'est, j'étais avec des amis. Je vous laisse parler vite parce que j'ai pas. J'étais avec des amis, on était dans un endroit où on fêtait une soirée tranquille. Et au début de soirée, j'ai vu comme une forme, vous voyez. Comme une forme. Un objet ou une humanoïde, une sorte de non, un objet dans le ciel un peu long. Ok. Vous voyez, donc on a avancé en dans la soirée. En forme de cigare. Oui, absolument, en forme de cigare. Donc deuxième verre, on a avancé, on a continué, je voyais la forme de mieux en mieux. Mais elle était lointaine, elle arrivait, elle revenait, vous voyez. Ça, en général, moi, je vous dis ce qu'on en ressort, c'est des cas uniquement de race positive, vous voyez. Ah, alors ça va, parce qu'au cinquième verre, donc on a continué, et moi, je voyais toujours la forme qui grossissait, qui commençait tranquillement à bouger au-dessus, vous voyez. Et puis, bon, après, ça a été de pire en pire, quoi. Au douzième verre, je voyais, c'était la, c'était, vous voyez, comme le traîneau du Père Noël. Oui, tout à fait, je comprends. Ouais. C'était comme ça, mais tiré par des goélands. Vous voyez, c'était en fait le traîneau du Père Noël, avec comme derrière des poireaux. Des poireaux. C'était le traîneau du Père Noël tiré par des goélands avec des poireaux derrière. C'était ça en fait. Vous voulez dire des traînées. C'est ça. 20e verre. Alors là, j'ai commencé à voir. Il y avait Ben Laden. Vous voyez qui c'est ? Écoutez, vous vous foutez de ma gueule du tout. Il y avait Ben Laden qui courait derrière le traîneau avec les poireaux. Écoutez, là, j'ai mangé les poireaux. Puis après, j'ai au 20e verre, j'ai dormi. J'étais mort. Moi, je suis un peu des extraterrestres, monsieur. Eh ben, c'est d'or. Allez, maintenant, j'ai peur des poireaux. À tout de suite, debout la France.